Section 20 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Little Miss Clumsy. La Bête du Gévaudan par Élie Berthé. Chapitre 20. Le Bois du Sceau. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, comme il avait été convenu, les chasseurs, sous la conduite de Ferréol lui-même et de son fils aîné, quittaient la ferme de la Motte Rouge pour se rendre au Bois du Sceau, où l'on espérait trouver Jeannot et sa terrible amie, la Bête du Gévaudan. Tous étaient à pied. Les difficultés et les dangers de la marche ne permettant pas de se servir de chevaux dans la portion du pays où l'on allait s'engager. La Roche Boisseau et ceux qui l'accompagnaient avaient des fusils, mais Ferréol et son fils, toujours convaincus de l'inutilité d'une attaque contre la bête, portaient seulement leurs bâtons ferrés. Le ciel était d'un gris sombre, aucune de ces teintes brillantes qui annoncent habituellement le lever de l'aurore dans les montagnes ne colorait les cimes élevées. Une nouvelle couche de neige, tombée pendant la nuit, cachait les inégalités du sol sous sa blanche uniformité. Heureusement, le vent avait cessé de souffler et la journée s'annonçait comme devant être calme. Les voyageurs suivaient exactement les traces que les guides laissaient dans la neige. Malgré cette précaution, ils trébuchaient presque à chaque pas et avaient grand-peine à ne pas tomber. Or, les chutes pouvaient être mortelles. On avait quitté les chemins frayés. Tantôt on descendait des pentes escarpées hérissées de laves aiguës ou d'aiguilles de granit, tantôt on longeait des précipices dont le regard n'osait sonder la profondeur. La neige tenace qui s'attachait aux pieds semblait encore augmenter le péril. Un silence morne régnait dans ces solitudes, et toutes les créatures vivantes semblaient les avoir abandonnées. Pas un oiseau de proie ne voltigeait autour des pics décharnés. Les chiens, qui, à la sortie de la ferme, couraient vifs et joyeux en avant des chasseurs, n'avaient pas tardé à se rabattre sur eux, soit que les pointes cachées des laves blessassent leurs pattes, soit plutôt que l'absence de toute piste de gibier les détermina à réserver pour une autre occasion leur force et leur ardeur. On marcha pendant près d'une heure, et on pouvait bien avoir fait une lieue. Cependant, on n'apercevait pas encore le Bois du Sceau, et le gris, moins robuste que ses compagnons, commençait à se dépiter. « Nous approchons, » dit Ferréol avec sa gravité sereine. « Mais par le dieu de Gédéon, si vous vous plaignez maintenant des difficultés du chemin, que sera-ce donc quand nous arriverons au Sceau ?» Il fallut encore une demi-heure de marche pour atteindre l'endroit désigné. Un bruit sourd et profond causé par une chute d'eau devenait de plus en plus fort à mesure que l'on avançait. Et quand les voyageurs atteignirent enfin le sommet d'une roche escarpée qu'ils venaient de gravir avec peine, ils se trouvèrent tout à coup en présence d'une nature horrible et grandiose. Que l'on se représente quatre montagnes de hauteur inégale, groupées carrément, de sorte que leur base, au premier aspect, semblait se rejoindre. Néanmoins, entre l'écartement de leurs pieds, s'enfonçait une vallée creuse comme un abîme, où des massifs d'arbres, des pointes de basalte, des blocs de pierre bizarrement superposés formaient l'image du chaos. Le regard s'égarait sur cet effroyable désordre, où tout semblait d'abord confondu à cause de la couche de neige qui couvrait le paysage. La plupart des arbres, arrachés par des éboulements, les avalanches ou même par les tourbillons de vent qui s'engouffraient parfois dans ces gorges étroites, étaient courbés, tordus, enchevêtrés les uns dans les autres et reliés entre eux par des plantes grimpantes. Des fougères colossales, des ajoncs et mille arbustes épineux achevaient de rendre ce taillis impénétrable. Plusieurs torrents, descendus des hauteurs, se précipitaient dans le vallon. Le plus considérable tombait d'une montagne située en face des chasseurs et formait une cascade, ou sceau, d'où venait le nom de ce lieu. Le froid n'ayant pas encore sévi trop rigoureusement, les torrents n'avaient pas gelé. Ils se dessinaient comme des sillons noirs ou gris sur les fonds blancs de neige. Ces eaux abondantes qui coulaient de toutes parts devaient se réunir vers le centre de la vallée. Mais là, se perdaient-elles sous terre comme il arrive fréquemment dans ces pays ravagés par les volcans, ou bien s'échappaient-elles par un canal? Voilà ce que l'on ne pouvait distinguer, les arbres, les roches et les grandes herbes paraissant avoir mission de cacher aux hommes ce secret de Dieu. Tel était l'endroit redoutable que les chasseurs avaient à fouiller avec grand soin. Et au premier aspect, les plus confiants commencèrent à douter du succès de l'entreprise. Cependant, on suivit la lisière de ce bois irrégulier et l'on visita les lieux où avaient été vus plusieurs fois des traces de Jeannot et de la bête. Les plus attentives investigations ne produisirent aucun résultat. Aucune empreinte de pied, d'homme ou d'animal, ne se dessinait sur la neige. Les chiens, rebutés, ne songeaient pas à quêter et rôdaient tristement, le nez haut, comme effrayés eux-mêmes des difficultés de leur tâche. On fit halte près d'une de ces énormes boules de basalte, sorties on ne sait d'où, qui se rencontrent assez fréquemment dans ces montagnes brûlées. « Que le Seigneur nous assiste !» dit Féréol. « Je n'y comprends plus rien. Il est douteux pourtant que l'homme et la bête aient quitté le pays. » « En effet, » reprit le baron, « il ne pourrait trouver autre part une retraite plus sûre, un fort plus inaccessible. Mais allons, Fargeau, » poursuivit-il en s'adressant à l'ancien garde. « Le moment est venu de tenir votre parole. C'est à vous maintenant de dépister ce terrible Jeannot grand de dents. » « Mon cher baron, » dit le gris avec vivacité, « ne vaudrait-il pas mieux nous occuper d'abord du loup et… » « Corbleu, le gris, faut-il vous répéter 1000 fois que, si nous retrouvons Jeannot, le loup ne saurait être loin ?»« Eh bien, Fargeau, » poursuivit la roche Boisseau avec impatience, « à quoi songez-vous donc ? Vous êtes-vous vanté d'un pouvoir que vous n'aviez pas ? Je vous croyais plus impatient de venger votre malheureuse fille. » Fargeau, qui semblait rêveur et irrésolu, tressaillit à ce nom. « Ma fille !» répéta-t-il en relevant vivement la tête. « Oui, oui, vous avez raison. J'hésitais à trahir ce pauvre diable qui avait mis sa confiance en moi, mais si vraiment il accorde sa protection à l'exécrable animal qui m'a dévoré ma fille, allons, j'en aurai le cœur net. Je vais me mettre à l'ouvrage. » Et si Jeannot est à portée d'ici, nous le verrons bientôt. C'est cela, Fargeau. Ne perdez pas de temps. Souvenez-vous de mes promesses et des vôtres. Eh bien, pendant que vous allez manœuvrer seul, que devons-nous faire ? Fargeau réfléchit. Attendez ici mon retour, reprit-il. Jusque-là, évitez de vous montrer sur les hauteurs et ne parlez qu'à voix basse, car nous avons affaire à des gaillards dont l'oreille est fine et la vue perçante. Il faut aussi coupler les chiens, et on ne les lâchera pas avant nouvel ordre. Quant à moi, je n'ai pas besoin de ce fusil, dont la vue ferait inévitablement fuir Jeannot si nous venions à nous rencontrer. Les pistolets que j'ai dans ma poche me suffiront en cas de besoin. » Il remit son fusil à la branche et s'assura que ses pistolets étaient en état de faire feu. Puis, serrant ses vêtements autour de son corps, il s'enfonça dans le fourré. Tout à coup, de l'endroit même où il venait de disparaître, partit un hurlement épouvantable qui domina le fracas de la cascade. Les chiens dressèrent les oreilles, les chasseurs ne purent retenir un mouvement d'effroi. « La bête, la bête !» murmura le gris en armant son fusil. Mais l'oreille exercée de la roche Boisseau avait distingué la vérité. « C'est Fargeau lui-même, » répliqua-t-il en riant. « Il n'a pas oublié qu'il faut savoir hurler avec les loups. Mais chut ! Voyons si l'on va lui répondre. » Pendant plusieurs minutes d'attente, on n'entendit que le grondement sourd des torrents. Il sembla que Fargeau eût changé de place, car bientôt le hurlement s'éleva d'un poids différent, avec une vigueur nouvelle. Mais cette fois, à peine eut-il cessé, qu'il fut répété faiblement, à une grande distance. Fargeau sortit du bois et rejoignit les chasseurs. « Il est ici, » dit-il d'un ton animé, « et il a reconnu mon signal. Il doit se trouver là-bas, vers la grande cascade. faites le tour du bois et allez vous poster de ce côté avec les plus minutieuses précautions pendant que je traverserai le fourré. Quand je tirerai un coup de pistolet, accourez tous à la fois, sans perdre une minute, après avoir découplé les chiens. Est-ce bien entendu ? On convint rapidement des diverses manœuvres à exécuter, puis les chasseurs se dirigèrent vers la cascade en suivant les corniches des montagnes, tandis que Fargeau rentrait dans le bois où il recommença bientôt ses hurlements et ses appels. Nous allons suivre d'abord la Roche-Boisseau et ses compagnons. Comme nous l'avons dit, ils longeaient la forêt aussi vite qu'ils le pouvaient, profitant de l'inégalité du terrain pour dérober leur marche à l'ennemi. Ils gardaient un silence absolu et le bruit de leurs pas s'amortissait sur la neige. Cependant, ils avaient un grand détour à faire et ils étaient loin encore du point désigné quand le baron, malgré la consigne qu'il avait donnée lui-même de se taire et de hâter la marche, s'arrêta brusquement en poussant une exclamation d'étonnement et de colère. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda le gris qui le rejoignit aussitôt. « Regardez, » dit la Roche-Boisseau. Sur le penchant de la montagne principale, tout près de la cascade, venaient d'apparaître plusieurs personnes ayant aussi l'apparence de chasseurs. Deux chiens vigoureux allaient et venaient dans la neige, comme s'ils eussent découvert la piste que ceux du baron avaient vainement cherchée. Ces inconnus formaient une troupe un peu plus nombreuse que celle de la Roche-Boisseau et paraissaient tous bien armés. « De par le diable, c'est le neveu du prieur !» dit le gris consterné. « Oui, ce ne peut être que lui !» répliqua le baron en fronçant le sourcil. « Et ne vous semble-t-il pas, comme à moi, le gris, que ces gens sont précisément en position de profiter avant nous du gibier soit homme soit loup que cet imbécile de Fargeau pourra mettre sur pied ?»« En effet, et ceci est d'une audace, mais nous ne le souffrirons pas. « N'est-il pas vrai, baron ? Allons les trouver au plus vite. Nous leur intimerons l'ordre de s'éloigner, ou sinon ?»« En cas de querelle, nous pourrions ne pas nous trouver les plus forts, et malgré vos façons batailleuses, vous vous en apercevriez sans doute le premier. Il vaudrait mieux agir de ruse, s'il était possible. »« Je vous trouve bien tiède et bien patient, la Roche-Boisseau, » dit le gris d'un ton mécontent. Ils furent rejoints par le vieux Féréol, qui était resté un peu en arrière pour examiner l'autre troupe de chasseurs. « Ce sont les gens qui s'étaient arrêtés à Grand-Seigne et pour lesquels je vous avais pris, » dit-il d'un ton animé. « Je reconnais parfaitement Martin, le métayer de Grand-Seigne, qui leur sert de guide. L'hypocrite, le menteur, il m'avait promis de ne pas trahir mon parent, et il l'a vendu sans doute pour quelques deniers. Mais par l'âme de mon père, « je vengerai mon sang s'il arrive malheur à Jeannot par la faute de Martin. » Le puritain avait disparu en ce moment pour faire place au montagnard du Mésangue, vindicatif et indomptable dans ses colères. La Roche-Boisseau, malgré sa vive contrariété, ne put s'empêcher de sourire. Il semblait bizarre, en effet, que Féréol se montrât si fort irrité contre un autre pour une action dont lui-même s'était rendu coupable. Cependant, le baron dit avec autorité. « Pas de conflit avec ces gens, entendez-vous, Féréol ? Avançons, et que nul ne soit assez hardi pour me désobéir. » Et il se remit en route d'un pas rapide, sans remarquer les gestes de révolte, les regards courroucés du vieux sectaire, peu disposé à s'incliner devant un pouvoir, quel qu'il fût. Enfin, on atteignit l'endroit où Léonce et ses gens s'étaient montrés. Pendant une partie de ce trajet, Fargeau avait fait plusieurs fois entendre ses appels dans l'intérieur du fourré, et on lui avait répondu de la même manière. Mais vers la fin, les hurlements avaient complètement cessé, soit que les deux hurleurs se fussent rencontrés, soit que le grondement de la chute d'eau couvrit maintenant leur voix. Du reste, l'explosion d'armes à feu qui devait être un signal d'appel précipité ou de détresse ne s'était pas fait entendre, et l'on avait continué d'avancer en prenant soin de ne pas se découvrir. Malgré ces précautions, Léonce et ses compagnons avaient fort bien aperçu les concurrents qui leur arrivaient, et leur chasse en avait été troublée. Ils s'étaient arrêtés sur le bord d'un précipice boisé n'osant s'y engager avant que les attentions de l'autre troupe leur fussent connues. Léonce, à la vue de La Roche-Boisseau, qui marchait le premier, fit un mouvement pour se mettre sur la défensive. Mais se souvenant aussitôt que son oncle lui avait recommandé d'éviter toute querelle avec le baron, il affecta une contenance tranquille et se tint prêt à agir en ami ou en ennemi selon les circonstances. De son côté, La Roche-Boisseau avait réfléchi. L'idée lui était venue qu'il serait piquant d'employer le neveu du prieur à la réussite de ses propres desseins, ce que l'inexpérience du jeune homme pouvait rendre aisé. Il comptait avoir bien plus de chances de traverser les projets de Léonce s'il parvenait à lui inspirer quelque confiance, et peut-être aussi nourrissait-il l'espoir de torturer avec adresse son rival détesté. Il s'approcha donc de lui, le sourire sur les lèvres, et le salua poliment. « Monsieur Léonce, je crois, dit-il d'un ton presque amical, j'ai déjà eu, si je ne me trompe, l'honneur de le voir à Mercoire. » Léonce lui rendit froidement son salut. « Il est vrai, monsieur, mais nos rapports ont été si courts, si peu affectueux, qu'il vaudrait mieux, peut-être, ne pas les continuer. Permettez-moi de ne pas être de cet avis. Voyons, monsieur Léonce, poursuivit le baron avec une rondeur apparente. Je ne veux pas rappeler mes griefs contre l'abbaye de Frontenac, quoique vous sachiez à présent peut-être combien ces griefs étaient légitimes. Mais pourquoi un galant homme, tel que vous, prendrait-il parti dans cette affaire? Vous êtes devenu chasseur, à ce qu'il paraît, depuis notre dernière entrevue, et je me souviens qu'en effet, vous avez une revanche à tirer de cette maudite bête du Gévaudan. Le même motif nous amène ici. Pourquoi, tant que les circonstances nous rapprocheront, n'aurions-nous pas l'un envers l'autre les sentiments de mutuelle bienveillance, de confraternité qui distinguent les francs chasseurs ? Cette proposition captieuse concordait avec les intentions secrètes de Léonce. Néanmoins, il répondit avec un air de réserve. « Peut-être trouverai-je d'autres griefs que ceux des pères de Frontenac à faire valoir contre monsieur de La Roche-Boisseau. Mais soit, à mon tour, je veux les oublier pour le moment. Je ne m'opposerai donc à rien de ce que pourra tenter monsieur le baron, si lui-même s'engage à ne pas traverser mes projets pendant le peu de temps que nous devons passer ensemble. Acceptez, monsieur. Chacun de nous conservera une parfaite indépendance, c'est bien entendu. » Ils furent interrompus par le bruit d'une violente discussion qui venait de s'élever entre Féréol et l'autre métayer. Féréol reprochait avec énergie à Martin ce qu'il appelait son parjure, et Martin, de son côté, cherchait déjà sa coutelière, cette arme terrible que le montagnard du Mézenque porte toujours sur lui. De plus, les chiens de Léonce, sortant du fourré, montraient les dents au limier de La Roche-Boisseau, et un conflit semblait inévitable parmi les bêtes comme parmi les gens. Les chefs des deux troupes se hâtèrent d'intervenir. Quelques paroles fermes de Léonce et du baron mirent fin, en apparence du moins, à la dispute de Martin et de Féréol, qui s'éloignèrent l'un de l'autre en se lançant des regards sombres. Quant aux quadrupèdes, plusieurs coups de fouet bien appliqués suffirent pour faire disparaître chez eux toute velléité d'insubordination. « Morbleu, monsieur Léonce, dit le baron avec gaieté quand tout fut fini. La bonne harmonie n'est pas facile à rétablir entre nous. On y parviendra pourtant si vous en avez autant de désir que moi-même. Et pour commencer, je ne vous demanderai pas d'où vient ce dogue superbe qui renacle là dans les buissons. Il a dû vous coûter cher, et sur ma foi, au temps où nous vivons, les neveux des prieurs coupent l'herbe sous le pied au gentilhomme. Mais laissons cela. Les circonstances actuelles nous obligent à mettre en commun nos moyens d'action. Je ne vous cacherai donc pas mon plan de campagne. Cet insensé qu'on appelle Jeannot Grand-Dedans est caché là, dans le bois. Et comme j'ai le plus grand intérêt à m'emparer de sa personne, un de mes gens qui le connaît s'est déjà mis à ses trousses. « Quoi ? S'écria Léonce, comme débarrassé d'un grand poids. Est-ce donc seulement Jeannot que vous cherchez ici ? J'aurais cru... Mais, poursuivit-il, si Jeannot se trouve en effet dans ce canton, il est encore accompagné de la bête du Gévaudan. Voyez. Et il désignait dans la neige de larges empreintes qui longeaient le précipice. Le baron les reconnut tout d'abord, mais il affecta une complète indifférence. Décidément, répliqua-t-il, l'un ne marche pas sans l'autre, et cela nous explique, monsieur Léonce, certaines circonstances relatives à ce loup fameux qui étonne fort le vulgaire. Quant à moi, je ne manquerai pas de lui envoyer une balle s'il se trouve sur mon chemin, car je n'ignore pas quel prix pourra réclamer le vainqueur de la bête. Mais je tiens avant tout à m'emparer de ce maudit Jeannot, pour une cause que vous connaîtrez plus tard. En revanche, monsieur Léonce, poursuivit-il en désignant le gris qui les observait d'un air irrité, voici là-bas un chasseur qui compte vous faire une rude concurrence. Le gris, voyant que l'on parlait de lui, se rapprocha des deux interlocuteurs, et après avoir salué légèrement, il dit au baron avec une colère mal contenue, faut-il donc renoncer à notre entreprise, la Roche-Boisseau ? Je le croirais assez à voir les nouveaux alliés que vous nous donnez. Un froncement de sourcils de son patron l'avertit qu'il devait prendre un ton moins haut. On n'entend plus Fargeot, continua-t-il, et je ne sais que penser de son silence. Pourquoi ne cherchons-nous pas une pente un peu moins roide afin de descendre dans ce gouffre ? Pour moi, je vais y descendre ici même, dit Léonce résolument. Les chiens se sont remis sur la piste et je dois les appuyer. Mes compagnons de chasse sont libres de me suivre s'ils en ont la fantaisie. Et il s'avança vers une étroite corniche qui côtoyait le précipice. C'était le seul chemin possible pour se rendre de ce côté à la grande cascade. Une croûte de glace et de neige durcie la recouvrait sur un espace de 30 ou 40 pas et augmentait encore le péril de cet effroyable sentier. « Mais c'est de la folie !» s'écria le gris en pâlissant. « Écoutez-moi, monsieur Léonce, dit le baron à son tour, car j'ai promis d'être pour vous un adversaire loyal. Le chemin que vous prenez est impraticable pour tout autre qu'une chèvre sauvage. D'ailleurs, on n'a fait encore aucun signal et vous avez autant de chance en attendant ici. Souvenez-vous de nos conventions, messieurs, dit Léonce avec vivacité. Je n'entends pas gêner vos actions, ne gênez pas les miennes. En ce moment, un coup de feu retentit du côté de la cascade. Puis, ce furent des cris perçants auxquels se mêlaient des hurlements formidables. C'est Fargeot, s'écria le gris. « Ce doit être Jeannot, dit le baron. « J'ai reconnu le hurlement du loup, dit Léonce. Il sauta, souple et léger, sur la périlleuse saillie et, élevant sa carabine au-dessus de sa tête, il se dirigea vers la cascade. Les autres chasseurs le suivaient de l'œil, s'attendant à le voir d'un moment à l'autre rouler au fond de l'abîme. Mais cette témérité devait être impunie. Léonce atteignit l'extrémité de la corniche qui s'engageait derrière la cascade même, passa rapidement sous l'arc formé par la chute d'eau et reparut, sain et sauf, de l'autre côté. Au même instant, on le vit s'approcher de deux formes humaines qui venaient de se montrer subitement sur la pente de la montagne. Les spectateurs étaient stupéfaits de ce succès inattendu. Le gris recouvra le premier sa présence d'esprit. « Ce chemin est donc praticable » s'écria-t-il. « Baron, il n'y a pas à balancer. Si nous tardons à rejoindre M. Léonce, il est capable de gagner la récompense. Souvenez-vous de votre parole et venez avec moi. » « Au fait, » répliqua le baron, « ce serait une honte pour tous de laisser la partie si belle à ce galantin. Il se vanterait plus tard d'avoir exécuté une entreprise devant laquelle nous aurions reculé. En avant donc, de par le diable !» Et il s'engageait à son tour sur la dangereuse corniche quand son compagnon, qui le précédait de quelques pas, disparut tout à coup en poussant un cri de détresse. La Roche-Boisseau s'arrêta. Le gris venait de tomber d'une hauteur effrayante. Heureusement, un massif d'arbustes semblait avoir amorti sa chute et bientôt on l'entendit appeler du fond du précipice. Le baron hésita d'abord. Mais, songeant que les montagnards suffiraient pour donner à son malencontreux ami toute l'aide que comportaient les circonstances, il continua son chemin. Fin de la section 20.